Sire, ils ont pris la Bastille. C'est une révolte ? Non, sire. C'est une révolution. Changer de main. Changer de main.